t'en iras, puisque tu dois partir un jour, et je le sais depuis toujours. Quand tu t'en iras, ne cherche pas à me serrer entre tes bras. Non, ne me dis rien, je m'y attends depuis longtemps, ne t'en fais pas, tout ira bien. Mais en t'en allant, regarde-moi et souris-moi.